expédition d'appel sur le continent. Merci donc à Taïfour Smaïn. Rendez-vous demain pour une autre édition. Toutes nos excuses aussi pour la qualité donc du son qui à un certain moment n'était pas assez fluide. Rendez-vous donc dans nos prochaines éditions d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Afrique Média, le monde, c'est nous.